Bonsoir tous nos amis de, amateurs de musique progressive. Hey, touche pas au micro. Il m'énerve. Vous avez compris que vous êtes en compagnie de France Carly, Jean-François Lamarre et de Bruno Côté. Et ben, c'est l'émission Terrain Incognita à CKRL 89.1 de 22h à minuit. Et ben, comme c'est un début d'année, ben, on vous souhaite une très joyeuse année 2019, tout en musique, la musique que vous aimez, et en particulier musique progressive en ce qui nous concerne. Et, ben, et oui? Non, c'est sûr. On aime toutes sortes de musique et l'émission, c'est du progressif. Fait qu'on met plus le comment je pourrais dire, donc, la phase sur la musique progressive. Effectivement. Et en parlant de musique progressive, si vous nous écoutez en podcast, moi, je vous suggère fortement d'aller chercher l'émission Les Illusions Auditives avec Vincent Delisle. Il a fait jouer toute la deuxième phase de Black Sun de Claude Léveillé. C'est un vrai scandale que ce disque-là n'ait pas été réédité. C'est un chef-d'œuvre. Ben, en tout cas, c'est vraiment très bon. Et, là, on l'a entendu au complet. Il avait fait jouer la dernière semaine la première face et là, il est allé avec la deuxième. Et ben, je ne sais pas pourquoi ça a passé dans le beurre, là, mais Claude Léveillé avait fait un disque en 76 avec deux musiciens de manège et c'est du pur progressif. Ça s'appelle Black Sun. Et ben, si vous n'étiez pas là, je vous suggère fortement d'aller chercher le podcast de cette émission-là. Eh bien, en nous autres, en ce qui nous concerne, comme je disais, c'est un début d'année. On va parler de nos coups de cœur côté spectacle là, dans ce qu'il y a eu en 2018. Et on en a une petite liste, là, puis on va jaser de ça là, au cours de l'émission. On parlera un petit peu de ce qui s'en vient aussi, surtout du Festival Terrain Incognita. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Mais on va parler un petit peu de musique aussi. On a le nouveau Steven Wilson qui s'appelle Home Invasion in Concert at the Royal Albert Hall. Il sera aussi question du Royal Albert Hall parce que ça a joué un rôle majeur dans nos vies cette année. Ben, plutôt en 2018, l'an dernier. Mm. Et sur ce disque-là, on va entendre Home Invasion Regret No. 9. Et on va entendre aussi du Cop Tree et la Cosenza Dizeno, qui a produit un très, très bon disque cette année, surtout qu'avec le batteur qu'ils ont, André Orlando, qui sera avec Finistère. Oui, très hâte. On va voir cette année, ben oui. Donc, on y va en musique, puis on vous reviendra plus tard avec toutes sortes de commentaires sur des spectacles. So, this next song I'm going to do is from the Hand Cannot Raise album. This is Home Invasion. Enthusiasm! We'll be right back. Yeah. try not to fall asleep. It's there somewhere, a bit closer to the edge. vita ho avuto un calice intarsiato con lo studio e il sudore da cui ho bevuto le parole e i gesti forieri di benemerenza molti gli anni trascorsi a curare la comunità che ora guarda ammirata la mia canuta serenità eppure dopo la ricchezza e la stabilità un'ombra offusca la certezza dell'età di sempiterna e chiara popolarità compagni della notte sono mio malgrado sgraditi presagi non di rado atterrano sui giorni che mi separano all'ultimo pensiero ed ora tramano risultato inaspettato, imprevisto, sbagliato, qualcosa ho sbagliato, qualcosa di sicuro ho sbagliato. Eppure niente. Per caso il susseguirsi degli incontri, lo stagnare dei ricordi, il fermento onirico, maturità del mio pensiero si fa croce tra i rimpianti. fanciullezza, solo lì troverò il chiaro e l'oscuro. Qui c'è la pace alla quale accompagnarmi, finché mi verrà concesso mi rifugierò nel posto delle fragole. CKRL. Mon homme à moi, il pouvait être à la chasse dans le bois, de l'aurore au crépuscule, sans bouger, sans faire de bruit. Pendant que t'étais encore dans les couilles de ton père, il tuait du 60 pointes, mon petit gars. Puis sais-tu pourquoi il arrivait à tuer du 60 pointes? Non. Il bougeait pas, même s'il buvait une 24. Fait que retiens-toi et t'as pissé tantôt. Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec, puis la Brute qui pleure, présente Bif, du 22 janvier au 9 février. Pour information, achat de billets, premieracte.ca. Le mois multi, ça le dit. C'est 6 semaines d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 30 jours de festivités regroupant 60 artistes de 6 pays, c'est 19 spectacles de performances hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 6 nuits endiablées à la cuisine. Prépare-toi, Québec. Le mois multi éveille tes sens du 24 janvier au 3 mars. Moismulti.org. Et ça, c'est du progressif italien dans toute sa splendeur, la Cosenza di Zeno, de leur dernier album qui s'appelle Una Vita Migliore. Et on a entendu Il Posto delle Flagole. Et juste avant, c'était Carp Tree avec Sub Imago et Celestial Sky. On avait débuté avec Steven Wilson de l'album live Home Invasion in Concert at Royal Inn. Concert of the Royal Albert Hall. Ouais, c'est un drôle de titre. Hein? Et la pièce qu'on a entendue, c'est justement Home Invasion. Eh bien, on avait dit qu'on voulait parler de, un petit peu des, faire une rétrospective des spectacles. Tu peux peut-être nous en envoyer quelques-uns. Les spectacles qu'on a vus dans le courant de l'année, qui nous a marqué, disons, parce qu'on en a vu beaucoup. Oui. Ben, moi, je vais commencer par le Festival Terra Incognita. Ben oui, vas-y. C'est sûr. Fait que mes coups de cœur du festival, ben, Wobbler, puis Monde Safari, que j'ai beaucoup aimé, et Amadriad, que je lève mon chapeau parce que très bon groupe. Oui, qu'on a vu, je pense, à deux reprises. Au moins trois fois. Trois fois, ouais. Vous avez vu au Palais Montcalm, vous êtes déjà vu à Montréal. À Montréal, aussi. OK. Mm-hmm. Mais il s'améliore beaucoup. C'était même plus le même groupe. Là. Il était tellement performant. Ah oh, oui, c'était... C'est un des meilleurs groupes du Québec. J'espère qu'ils vont revenir à Québec dans pas grand temps. Ben oui, ce serait bien ils ont, plaisant. Ils ont des adeptes à cette heure. Oui, hein, il y en a qui ont resté surpris. Oui. Eden Song, que moi que j'ai toujours apprécié, même dès leur première venue au festival. Oui. Ensuite, ben là, je passais pas outre notre passage à Londres pour Camel. Ben oui, justement, au Royal Albert Hall, c'était un vieux rêve qu'on avait. Puis Camel, ben ça s'inscrivait bien là-dedans. Puis en plus, ben, on a retrouvé un paquet d'amis là-bas. C'est ça. Puis j'oublierai pas de parler d'Arena parce que c'était un très bon spectacle qu'on a vu. Une belle surprise, un beau retour. Une belle surprise, oui. Un beau retour, Arena. Le dernier album n'est pas mauvais non plus. Pas mauvais. Ça, c'est mes coups de cœur de 2018. Bon. Et bon, mais pour poursuivre en musique, il y a Richard Schoblum, Gunfly, qui, ça c'est un artiste qui déçoit jamais. Et son nouveau Friendship m'emballe beaucoup. Beaucoup. Ça risque d'être, même s'il est arrivé en fin d'année, là, ça risque d'être un de mes meilleurs albums, très très haut dans ma liste là, des meilleurs albums de l'année. Et ben, un concert que tu n'as pas parlé, c'est celui d'IQ. Oui. C'est vrai. IQ, ça a eu lieu au mois de... Où est-ce que je l'ai mis, lui? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Et ça, c'était pour célébrer le 25e anniversaire de Ever, qui était le disque de je pourrais dire de la réunion là, parce que Peter Nichols était parti et avait été remplacé par Paul Menel qui chantait très bien, mais le groupe avait perdu comment je dirais, son indépendance là. Les majors les menaient puis ils faisaient du la musique était moins bonne là. Puis mais avec Ever il revenait en force, le retour mm-hmm. de Peter Nichols, et ben là ils ont sorti une édition 25e anniversaire, donc remixé, et on va en entendre une pièce, c'est la pièce de Darkest Hour. Donc on débute avec Richard Schoblum Gunfly et on poursuit avec IQ. Thank you. trust you to light my way. As we grow older, as we grow colder, 'cause there is the burden of seeing, as there is a burden of being. Can I draw another breath? Will it be too much for me to take? I do recall the rise and fall of me and you, and our hearts so blue. 'Cause there is the comfort of grieving, as there is relief in leaving. There is pain in knowing that once upon a time we were the best of friends. And when I asked you what was wrong, why you look so sad, you said that the tears came because you were glad. So I want you to know that while my words may sound harsh or wrong, you echo in my mind like a favorite song. Can you remember when we met? It all came back to me just the other day. On a bench by our stressed out mothers on their weekly shopping spree. You basically latched on to me. There was panic in those big blue eyes. I was a seasoned bench warmer in the local store, a first out

KRL 89.1. Les gagnants du concours Montre tes talents édition 2018 de CKRL, Miles Clayton de Québec, présentent leur nouvel opus Heavy Air. Heavy Air de Miles Clayton est disponible en écoute intégrale sur toutes les plateformes musicales et sur CKRL. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. Les filles du soleil, le livre de Green. Si Bill Street pouvait parler, un homme pressé, une affaire de famille et les vieux fourneaux. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Et c'était IQ dans la version remixée de 2018, donc 25e anniversaire là, de l'album Ever, on a entendu The Darkest Hour. Et juste avant, c'était Richard Schaublum, Gunfly, la pièce titre de son album Friendship, qui est paru au cours des dernières semaines. Moi, je garde un très bon souvenir de son passage au Festival Terra Incognita. Ça fait déjà... À l'Antibar? Ah ben oui, il y a eu ça il y a puis, 2 ans. Puis Birchfish, je ne me souviens plus en quelle année. Ouais, vers 2012. Mmh. Là, c'est un des spectacles les plus mémorables que j'ai vus lors du Festival Terra Incognita. Et bien, pour poursuivre dans les spectacles mémorables de 2018... C'est à ton tour. Ah, mais c'est toi qui as fait, ma chère. Bon. Je te laisse. Moi, qui m'avait impressionné en juillet, c'est Soft Machine. Quand tu m'as proposé ça, j'avais dit, c'est qui est là-dedans? Bon, John Etheridge, John Marshall, Roy Babington. On est dans les bonnes versions de Soft Machine, mais c'est un spectacle qui était tellement sympathique, là, John Etheridge, qui s'exprime très bien en français. Ça va donner quelque chose je dirais de chaleureux. Chaleureux, disons. Oui. Oui. C'était intime aussi. Ben oui, malheureusement, en plein festival d'été, là, c'était difficile d'aller chercher du monde. Je dirais que c'était une salle peut-être au tiers. C'était un petit peu honteux. Là, parce que, pour un groupe comme ça. Là. Ça aurait mérité beaucoup plus que ça. Mais je voyais qu'il était sur une grosse tournée. Là. Il allait même, je pense, au Japon, puis un peu partout. Au mois d'août, Deep Purple avec Judas Priest. Très bon show. Mon côté rock. Ouais. Disons que Judas Priest, c'est peut-être un petit peu hors d'ordre, là, parce que c'est Deep Purple, une saveur progressive affirmée. Dans le cas de Judas Priest, c'est pas le cas du tout. Mais ça avait été un très, très bon spectacle. Très spectaculaire, oui. Justement. Très coloré. Et, des musiciens très en forme. Ben, il faut dire que le membership est un petit peu renouvelé. Là. Il y a des musiciens plus jeunes. Mais Rob Halford, il est très en voix. Puis il est toujours aussi bon. Il y a eu aussi le projet FZ. Oui, à l'orgue, au Palais Montcalm. Ben oui, ça nous a permis d'apprécier l'orgue qu'il y a au Palais Montcalm avec ses gros tuyaux. Quelque chose comme 3000 tuyaux, je pense qu'ils nous ont dit. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup. Il joue très bien cet orgue-là. Mais c'est surtout que les musiciens étaient assez impressionnants. Ils ne faisaient pas juste du Frank Zappa. Hein. Ils ont fait du Emerson, Lake and Palmer. Ils n'ont pas fait du King Crimson aussi. Je pense qu'une pièce de King Crimson, ouais, en souvenance. Mais c'est la virtuosité des musiciens aussi. Mm. On a été impressionnés par... On voyait une petite batterie, puis ça avait l'air insignifiant, mais le batteur, qui était plus un percussionniste, là, il était très impressionnant. Puis le guitariste aussi. Oh. Oui. Donc, c'est un beau trio. Là. Donc, ça s'appelait Projet FZ. On espère qu'on va les revoir, eux autres aussi. Et bien, pour poursuivre en musique, un très bon groupe québécois, Universe Effect, qui vient de faire sortir un album qui s'appelle Desolation. On va en entendre un extrait. Il y aura aussi Arab in Aspic et Mystery, qui fait un malheur en Europe. Oui. Mm-hmm. Donc, on y va en musique. On vous revient tout de suite après. Yeah. Pleasures, take me home, take me home where I belong, in the sky so blue, in the sky so blue. Lift me up from this earth, help me up so I can find Highland Angel, and Highland Angel. Eyes are blind and I cannot see the earth in ruins in front of me. Red lake on fire, red lake on fire. Crimson skies hanging over me in this place that I cannot be. Oh, evil flesh, us, won't you take me home? We'll be right back.

reasons to feel the love that shines within your eyes. Something to believe in. Nowadays, all we see is all. Une femme fuit. Elle chute au fond d'une grotte. Aucune issue. Survivre à tout prix, puisque la vie est en elle. Accoucher, aimer et transmettre. Parce que l'espoir est en lui, son enfant, Lasco, pour qu'il atteigne la lumière. Le théâtre Pupulus Mordicus et le théâtre Bouche Décousue font du Périscope une caverne du 15 janvier au 2 février. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Mystery avec leur album Lies and Butterfly. La pièce qu'on a entendue, c'est Something to Believe In. Et c'est un disque qui a été plutôt bien accueilli un peu partout. Il y a eu des bonnes critiques. Et oui. C'est tant mieux. Oui, puis on va les voir le 22 mars. Oui. À la salle, je pense, c'est Jean-Paul Tardy. Avec, c'était pas le Bourgneuf, non? Ah non, Jean-Paul, c'est lui qu'on a vu à le Bourgneuf. Oui. En 2010. Avec Frost. Oui. C'est un programme d'eau. Ben oui, il y a John Mitchell là-dedans. Oui. J'espère qu'il va être content de son vol chambre d'hôtel. De son hôtel, surtout. Oui, lors de son passage avec Arena, ça avait fait un petit tapage sur Facebook. Là. Il s'était plaint. Là. Il disait qu'il volait avec Air Bastardos. Mm. Puis la chambre d'hôtel qui était aussi bâtarde. Là. Mais au spectacle, là, on a jasé avec... C'est Mick Pointer qui l'avait mentionné, je pense. Mm. Il avait dit, bon, il s'est dit des choses. Là, fait que c'était une forme d'excuse. Mais oui, on a jasé avec. Puis en fait, compte, il avait modéré un petit peu ses propos. Il était plus sympathique que ce qu'on avait cru. Il a sa renommée. Hein? Oui, disons que c'est un genre. Mm. Et ben, juste avant, c'était Arab & Aspic avec leur album live At Avant Garden, entendu Silverstorm. Et ça donne des versions un petit peu différentes. Fait que c'est un disque qui est intéressant. Ça dure 75 minutes. Et Universe Effect qui ont bien pris leur temps pour donner une suite à leur album précédent. Celui-là s'appelle Desolation. On a entendu Wasteland. Marc avait dit qu'il était plus éveillé. Je ne l'ai pas écouté beaucoup parce que ça fait pas tellement longtemps que je l'ai. Là. Mais ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ben, je trouve que ça sonne bien. Mm-hmm. C'est très bien joué. Il faut dire qu'il y a Gabriel Cyr là-dedans aussi. Là. Oh oui, des bons musiciens. Là. Francis. Francis donne pas sa place non plus. Mm-hmm. Ben, c'est quatre très bons musiciens qui ont étudié en musique d'ailleurs. Et ben pour poursuivre sur les spectacles qu'on a vus, ben je l'ai mentionné, on a vu 8 au mois de mars, mais j'avais l'impression que ça faisait longtemps qu'on avait vu ça, beaucoup plus longtemps que ça. Et, mon souvenir est affaussé un peu. On a vu aussi Caméra High, ça c'était avec Mathieu. Mathieu Gosselin. Oui, un super trio. Ah ben oui, il y a eu les Strubs aussi dernièrement. et Dwezil Zappa qui donne un spectacle, ben, j'aurais le goût de dire marathon. Là, c'est 3 heures très intenses. Je ne voudrais pas être le batteur de ce groupe-là parce que c'est très athlétique, là, ça n'arrête pas. Au mois de décembre, il y a eu le Noël Prog aussi avec les groupes qu'on a entendus. Universe Effect était là. Il y avait Ilward. Ilward, d'ailleurs, ça va être notre prochaine pièce. On va entendre un extrait du dernier disque qui s'appelle System. Il s'appelle Flatlight. Et dans les autres spectacles... Steve Hackett. Ouais, Steve Hackett qu'on avait vu encore une fois... Mais c'est toujours bon. Et la veille, Uriah Heep, qui avait donné un très bon spectacle. À guichet fermé, là, ça, ouais. Il y avait beaucoup d'atmosphère. Là. C'était très intéressant. Et après Elward, on va avoir Glass Hammer. Ah, voulais-tu parler de certains spectacles qui s'en viennent? Peut-être non. Parler du festival, les groupes du festival. Oui, les groupes du festival. Il ne faudra pas oublier, hein, parce que ça s'en vient, les billets s'envolent. Puis... Oui, c'est ça. Dépêchez-vous. Il y a Is Project qui rouvre les 3 jours du festival. Le vendredi, c'est Oak puis Brian Rhys. Hey. Oak, j'aime beaucoup leur album, puis j'ai hâte d'avoir la nouvelle de Brian Rhys pour voir s'il va être aussi bon que les précédents. Mm-hmm. Le samedi, Basta, un groupe italien. Is, qui est un habitué du festival, fait... troisième fois, je crois. Ça va être la quatrième fois, mais depuis plusieurs années quand même. Là. Airbag, oui. Un groupe norvégien. Et le dimanche, Inner Space, un groupe montréalais. Fido, un groupe américain que j'ai hâte de revoir. Et Finistère, un groupe italien, avec Fabio Sfenzi. Donc, une très belle carte encore cette année. Ça va être spectaculaire. Et ben, après Elward, il va y avoir Glass Hammer et il y aura aussi le groupe québécois Fudge avec 2 U, les Matricides, on va entendre la pièce titre. Je vois des critiques positives un peu partout, là, ça, dans les principaux quotidiens, il y en a été question, mais ça a même été mis dans les choix là, d'un chroniqueur. Là, et pour lui, il considérait que c'était un de ses meilleurs albums de l'année. On va entendre un autre aspect, là, c'est disons le côté plus Syd Barrett qu'on va entendre, et on vous revient tout de suite après ça. Le groupe de Montréal, Fudge, avec deux U, les Matricides, on a entendu la pièce titre. Juste avant, c'était Glasshammer de Chronomonaut. It Always Burn Sideways. Et on avait débuté avec Illward. C'est déjà tout pour nous. Et on se quitte sur Vandergraaf Generator, live at Rock Palace. Et on va entendre la pièce Darkness. Donc, restez avec nous pour l'autoroute. Vincent vient d'arriver. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Trace its patterns in me.